c'est d'abord une culture. Quand on est en DevOps, on prend tout le monde. DevOps et Agile font effectivement partie de la même famille. La virtualisation applicative, c'est très bien. Aujourd'hui, ça nous prend 10 minutes et un café. Ce n'est ni être dev, ni être ops. C'est avant tout de la communication. Ce mouvement DevOps, c'est tout simplement drivé par la communauté et endorsé par les entreprises. J'ai adopté une démarche DevOps. Le développement agile. On a accéléré le déploiement. Ça amène une clarté sur le travail de... Être dans une démarche d'amélioration continue. On se retrouve face à des... Travailler naturellement ensemble, ça donne des résultats concrets. DevOps. L'objectif individuel, ça s'atteint, alors qu'une ambition, ça se partage. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouveau numéro de DevOps. Alors, premier numéro de l'année et aujourd'hui, je suis ultra content d'être chez Scaleway pour parler d'IAM. Autour de la table, donc on a des personnes de Scaleway qui vont pouvoir se présenter et également Thomas qui sera avec nous, que vous connaissez déjà dans les anciens podcasts. Je vais vous laisser vous présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Cyril Pétel, je suis Product Manager chez Scaleway. Et depuis un an, depuis mon arrivée chez Scaleway, j'ai travaillé sur le produit d'Identity and Access Management, IAM. Avant ça, j'ai fait pas mal de conseils et participé à différents projets cloud chez d'autres acteurs. J'avais un profil assez business et c'était ma première année, l'année dernière en tant que product manager pour creuser ce beau produit. Bonjour à tous, moi je suis Julien Brochet, je suis à Scaleway depuis 3 ans et actuellement donc, je suis tech lead en partie sur le projet IAM mais également sur d'autres projets, voilà, très succinctement. Et bonjour à tous, moi du coup c'est Thomas aka Damir sur Twitter et sur mon blog du coup, et pour le coup moi je travaille chez Waze du coup qui est une entreprise de... on va dire d'experts et de web administrateurs à service. Donc, du coup, on vous propose des solutions d'accompagnement de nos clients, notamment sur des solutions comme Scaleway. Et tu as un blog, comme tu as dit. C'est ça. Et j'ai un blog qui est damir.fr dans lequel vous retrouverez un article pour, du coup, sur lequel je décris ma découverte de l'IAM chez Scaleway avec des exemples et le code source si vous voulez vous-même tester. Et on en discutera, ce qui est plutôt cool. Et donc pour ma part, Guillaume Letron, et alors j'ai changé, j'avais un peu teasé ça dans l'épisode d'avant, maintenant je suis DevSecOps Excellence Leader chez Cegid, et oui on se marre à côté, mais le titre est ultra classe je trouve, et peut-être que j'aurai l'occasion d'en reparler dans un futur podcast de ce que ça veut dire DevSecOps Excellence Leader chez Cegid. Alors, pour commencer, on a déjà un peu parlé dans les précédents podcasts, notamment dédiés au cloud souverain, de ce que voulait dire IAM, mais est-ce qu'on peut vous demander à vous, de Scaleway, de le redéfinir, peut-être aussi de présenter le produit et Scaleway? On va peut-être commencer par Scaleway. Je ne sais pas si tous les auditeurs nous connaissent bien. Scaleway, on est un cloud provider européen, bon, historiquement français, on est basé à Paris, et on offre à nos clients un écosystème cloud assez large, on va du bare metal jusqu'au serverless. On a un catalogue produit d'une 20aine de produits aujourd'hui, et bientôt plus. On essaye de servir toute une variété de clients, mais notre cible principale, c'est les startups européennes. Et aujourd'hui, la majorité des produits et du targeting qu'on fait sont adressés à ces startups européennes-là. On avait beaucoup de produits, mais un manque était souvent remonté par nos clients, c'était le manque d'IAM. Alors, qu'est-ce que c'est un IAM? Je vais donner ma définition, mais Julien, t'en auras peut-être une un petit peu différente. Chez nous, l'IAM, c'est surtout la partie Access Management qu'on a travaillé à travers ce produit. C'est pouvoir, de façon assez simple, décider qui a le droit de faire quoi sur mon infrastructure. C'est-à-dire, une infrastructure, c'est un ensemble de produits. Donc, pour chacun des produits que vous avez dans votre écosystème Scaleway, quels utilisateurs et quels accès programmatiques peuvent faire quoi? Voilà, tout simplement. Je sais pas si tu veux compléter, Julien. Non, ça c'est assez fidèle. Je pense qu'effectivement, on peut mettre d'autres choses dans IAM, mais globalement, la grosse brique qui intéresse quand même pas mal de monde, c'est cette partie-là. C'est la partie gestion granulaire des droits et des permissions sur les ressources. Non, ça c'est assez fidèle. Je le précise tout de suite. C'est pas une opération sponsorisée. Il y a Scaleway nous invite dans ses locaux, ce qui est déjà très bien. Le but étant ici, justement, suite au podcast qu'on a déjà fait avant, de vraiment présenter justement les évolutions qui sont faites. Et je trouve que IAM est un point extrêmement important et qui en effet a été souvent remonté, et même nous dans l'usage dessus. Et donc c'est pour ça que on voulait vous demander d'en parler justement pour que tout le monde découvre cet outil-là et puis même qu'on comprenne un peu plus comment il était fait et à quel point peut-être c'était compliqué. Et dans ce cadre-là, peut-être pour qu'on comprenne même encore mieux comment ça se fait la YAM, je vais laisser Thomas, toi dans ton blog, tu as été plutôt dans un point de vue justement utilisateur de ce produit qui est sorti. D'ailleurs, il est même sorti de bêta ou pas? Alors, il était en bêta depuis juillet 2022. On a eu une phase de bêta de 6 mois et depuis le mois dernier, depuis début décembre, il est disponible pour tous nos clients. Il n'a pas été activé par défaut, donc on va avoir des clients qui l'ont activé, d'autres pas encore. Mais il est disponible. Mais il est disponible pour tous. D'accord. Et donc voilà, c'est pour ça que Thomas, tu vas peut-être le présenter toi d'un point de vue plus utilisateur, ce que ça veut dire toi dans ton contexte, de ce que tu as vu. Ouais, du coup, effectivement, moi, j'ai un peu fait mon test en boîte noire en tant que simple utilisateur, comme si je venais de créer mon compte en tant qu'entreprise chez Scaleway. Et du coup, c'est assez intéressant parce que c'est quand même une fonctionnalité, comme Guilhem l'a rappelé, ça fait quand même longtemps qu'on l'attend chez des cloud fournisseurs français. C'est un peu le principal reproche qu'on faisait en général. On a déjà pas mal parlé dans le podcast précédent sur la souveraineté. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est, comme on disait, une brique essentielle, assez simple dans la logique. Mais il faut voir que, pour rappel, elle peut varier un peu de scope en fonction des cloud providers. Et quand on parle du coup d'IAM, c'est Access et Identity and Access Management. Voilà, j'avais plus le tiers. Et du coup, cette brique-là, du coup, effectivement, le but, c'est de gérer les accès et les permissions. Mais souvent, en fait, il y a d'autres briques qui vont être collées ou intégrées dessus. Donc, on pourra un peu en reparler après, mais c'est juste pour vous dire que ça peut un peu varier le scope. Et du coup, pour tester, c'est très simple. J'ai été sur la documentation, j'ai regardé un peu comment se composait l'offre, comment ça fonctionnait, comment l'utiliser. Et j'ai commencé à mettre ça en place, donc j'ai testé sur l'interface du coup web, la console web comme on pourrait le faire classiquement, mais j'ai surtout testé la partie du coup CLI et la partie Terraform, parce qu'aujourd'hui en entreprise, c'est ce que je demande, moi je veux pas faire d'action sur le web, c'est marrant 2 minutes pour une démo mais pas plus, donc du coup... peut-être des avis contradictoires, mais c'est ma vision des choses. Et en tout cas, assez rapidement, j'ai pu prendre en main le système. J'ai commencé à créer des utilisateurs, des applications, leur assigner des droits. Ce qui est assez intéressant, c'est que déjà, day one, de ce que j'ai vu, tout était intégré du coup aux différents outils. Donc, on n'a pas dû attendre une disponibilité dans un énième outil. Donc ça, c'était plutôt... Quand tu parles là de disponibilité dans les outils, ça veut dire quoi, concrètement? Alors, ça veut dire que c'était accessible de la CLI, c'était accessible sur le provider Terraform, c'était vraiment utilisable sur l'ensemble de, entre guillemets, l'écosystème de tooling. Donc ça, c'est quand même quelque chose aujourd'hui qui, pour moi, est important. Pour moi, à partir du moment, je diverge un peu, mais à partir du moment où on parle de global availability d'une fonction sur un cloud provider ou d'un service, ça doit intégrer en fait la disponibilité dans la CLI, dans l'API et dans le provider Terraform. Sans ça, je considère pas que c'est en GA. De toute façon, sur cette partie-là, on était totalement conscient que, ce que demandaient vraiment les utilisateurs, c'était de pouvoir utiliser par Terraform, parce qu'on est tout à fait conscient que c'est comme ça qu'est consommée une grande partie de nos API. Du coup, dans le développement, assez tôt, en fait, on a vraiment pensé les API déjà pour une intégration Terraform. On voulait que l'intégration Terraform soit disponible le plus tôt possible, c'est-à-dire que, l'ouverture à la console devait vraiment être liée aussi avec une ouverture avec Terraform. C'était pas envisageable d'ouvrir uniquement la console, justement, pour ces raisons-là, quoi. Pour le coup, c'est une très bonne chose que j'apprécie. Et je pense que beaucoup l'ont apprécié. Et pour le coup, autrement, c'est assez simple dans le fonctionnement. Donc, vous avez votre organisation Scaleway, ça change pas, qui était déjà en place. Vous avez votre découpage par projet, qui existe depuis quelques années aussi. Et vous allez pouvoir, du coup, créer soit des applications. Donc, du coup, ça va être des utilisateurs non humains ou des utilisateurs que vous allez inviter, qui là sont identifiés par une adresse mail, qui sont en réalité, du coup, des utilisateurs humains, comme je disais. Et du coup, vous allez à eux pouvoir les assigner dans des groupes. Et vous allez pouvoir assigner du coup des sets de règles, donc ce qu'on appelle des policies en général, à ces ressources, donc que ce soit les groupes, les utilisateurs ou les applications, pour pouvoir du coup leur donner des droits. Pour la construction des droits, ce qui est un peu le plus, on va dire, qui peut très vite être complexe, on est sur un système qui pour l'instant est assez basique, mais qui offre pas mal de flexibilité. C'est-à-dire que vous allez avoir globalement dans la configuration, deux étapes. Une première, vous allez choisir du coup le ou les projets dans lesquels vous voulez mettre des droits, et ensuite vous allez donner une liste d'ensemble d'actions que vous allez vouloir autoriser. Il y a que de l'autorisation, il n'y a pas du refus, c'est important de le noter. Et du coup, si je prends un exemple, demain vous avez un utilisateur, vous voulez l'autoriser, j'ai des développeurs, je vais les autoriser au moins à voir l'état des instances, les buckets, possiblement, mais pas supprimer les buckets. Je vais avoir des policies qui vont être allo read bucket, allo read instance. Et du coup, on va pouvoir varier comme ça un peu les droits. Ça va être assez basique dans le sens où, pour l'instant, la plupart du temps, ça se limite à du read-only ou du full access. Il y a pour certains services, notamment S3, quelques petites subtilités en plus. On peut, par exemple, autoriser l'écriture, mais pas la suppression de bucket. Ça peut être intéressant dans certains cas. Mais pour l'instant, voilà, on reste sur une notion assez basique, mais assez granulaire, dans le sens où on va pouvoir au moins choisir par service et par projet. Donc on peut déjà commencer à faire une limitation qui est infiniment meilleure que précédemment. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez agréable et qui fonctionne plutôt bien d'un point de vue utilisateur. J'ai fait des tests, notamment en essayant un peu de voir jusqu'où je pouvais aller quand j'avais mis des droits, est-ce que je pouvais aller un peu plus loin que ce que je pensais, et j'ai pas rencontré trop de mauvaises surprises. Par exemple, si vous mettez un read-only d'un utilisateur sur du capsule, vous allez pas pouvoir récupérer du coup le kubectl dans lequel il y a les droits d'admin. Voilà, des petites choses comme ça, ça a l'air d'être, c'est plutôt rassurant que ça soit pensé. Donc là-dessus, c'est plutôt cool. J'ai eu quelques petites erreurs, alors étrangement, j'ai pas eu d'erreur en Terraform ni en Cli. Par contre, sur l'interface graphique, en essayant de créer des policies, j'ai eu pas mal de fois des petites erreurs avec la petite pop-up rouge, mais qui me donne pas beaucoup de détails. Ça, c'est le seul truc niveau UX qui est un peu frustrant, c'est que ouais, sur la console, des fois, on voit erreur. Et on... Oui, mais... ouais, il faut se rendre compte que la console a jamais été pensée, enfin en tout cas, pour avoir justement... un des grands paradigmes qui change justement avec IAM, c'est qu'avant, un utilisateur sur la console avait accès à tout. En fait, on avait trois rôles prédéfinis, on était soit l'owner de ton organisation, soit t'étais administrateur, ou soit t'étais billing avec des droits très spécifiques. Du coup, la console a jamais été vraiment pensée pour un affichage en se disant bah, « j'ai juste telle permission, telle permission, telle permission ». Et du coup, ça demande énormément de refactoring, ça demande énormément de revoir toute la structure pour se dire, bah, suivant les permissions que j'ai, je peux potentiellement faire qu'une certaine action sur la console, mais il faut que quand même je puisse quand même naviguer sur la console avec uniquement un certain nombre de permissions très spécifiques. Et donc, ouais, ça demande énormément de boulot et c'est quelque chose sur lequel on a conscience qu'on bosse, mais effectivement, ouais, c'est le problème à l'heure actuelle, c'est que de temps en temps, t'as des petits messages d'erreur qui t'affichent. L'intégration graphique, c'est un énorme challenge quand on fait l'access management. Et là, Julien et moi, on représente plutôt la partie back-end. On a surtout travaillé sur la conception du produit sans penser uniquement à la partie front. Mais côté front, il y a eu un travail énorme pendant toute l'année, au moins en tant que nous, pour construire une console qui fonctionne, même s'il y a quelques erreurs, comme tu l'as dit. Avec plein de scénarios de permissions différents. Et là, tu parles avec quel point de vue, c'est-à-dire que tu connais quel autre IAM quand tu compares par rapport à ça. Quels seraient les points que tu vois si jamais moi, par exemple, je suis habitué à l'IAM côté AWS ou Azure ou n'importe. Alors c'est vrai que moi, je suis habitué plus à l'IAM côté AWS, qui est un peu l'inverse, qui est ultra complet, mais qui pour le coup est beaucoup plus difficile d'accès pour beaucoup d'entreprises et de tech. Donc oui, c'est un peu le cas inverse, mais si je compare un peu à l'écosystème FR, de ce que j'ai vu chez les autres cloud fournisseurs, c'est quand même aujourd'hui, je pense, celui qui est le plus avancé et qui fonctionne le mieux. Moi, si demain j'ai des problématiques, on va dire, d'aller sur un cloud fournisseur français et je veux gérer les droits un minimum, ben clairement c'est la meilleure offre pour moi qu'il y a actuellement. Et ça fait plaisir à entendre. Hein. Bah, tant mieux. Hein, les compliments. C'est le travail qui mérite. Mais là, si jamais il y a d'autres fonctionnalités, peut-être que Thomas n'a pas essayé. Est-ce que vous en avez d'autres en tête qui je sais pas, moi par exemple, il y a une grosse logique, j'en avais parlé déjà dans le précédent podcast, sur l'audit, ça veut dire avoir accès à toutes les traces de qui a fait quoi. Est-ce que vous avez ce genre de choses? On l'a pas encore. On a un set minimum d'informations, mais c'est encore assez léger. Et c'est une des priorités de l'année 2023, justement, c'est dans notre roadmap et on commence à travailler là-dessus. On sait que nos clients, notamment dans certaines industries, vont avoir des exigences importantes sur qui a accédé à quoi, parce qu'ils vont avoir des audits. Même à titre personnel, ils veulent savoir ce qui se passe. Et on travaille dessus, donc dès les prochains mois, il va y avoir des nouveautés là-dessus. En fait, on a les informations brutes. Et la question, la problématique, c'est comment on la rend visible à l'utilisateur de manière la plus pertinente possible pour que l'utilisateur puisse vraiment avoir l'information qu'il a besoin sans vraiment lui donner une liste de logs bruts en disant bah, débrouille-toi. L'idée, c'est ça, c'est de savoir comment on lui fournit avec une valeur ajoutée, quoi, pour qu'il puisse vraiment extraire l'information qu'il a besoin dedans, quoi. Et donc là, vous en avez un peu parlé. C'est combien de temps le projet? Enfin, c'est-à-dire comment ça se passe? Scaleway, ça a combien de temps? C'est une entreprise qui s'est lancée. Ça dépend sur l'online. Ça va dépendre de où tu pars. Je pourrais pas te donner exactement tous les détails. Il y a des beaux articles qui ont été faits sur l'histoire de Scaleway. Sur la partie cloud. En tout cas, je vais juste parler. Je vais pas m'engager sur d'autres trucs. Ouais, non, mais... juste sur la partie IAM en tout cas. Le projet a commencé. Je vais envie de dire il y a 18 mois à peu près, un an et demi, sur les premières réflexions. Il y a eu beaucoup de dettes techniques. En fait, quand on voit un peu les résultats, on se dit, bon, bah voilà, il y a 4 pages, c'est pas forcément super compliqué. En fait, il y a eu beaucoup de dettes techniques. On pourrait en parler des heures, je pense, de tout ce qu'on a dû cleaner. C'est quoi comme genre de choses, enfin, pour être... En gros, on peut rentrer dans les détails. Ouais, bien sûr, c'est le but. C'est ça. Globalement, en fait, comment marche Scaleway? En fait, on a deux parties. On a la partie authentication et la partie authorization. La partie autorisation est faite par l'API Gateway, c'est-à-dire que les requêtes arrivent, elles sont authentifiées. Et après, le microservice derrière, genre Kubernetes, instance, capsule. Oui, parce qu'on le précise, vous êtes aussi l'équipe qui gère l'API Gateway. Tout à fait, exactement. Donc c'est pour ça que les deux sont liés. La multicasquette, et... ouais. En gros, globalement, on gère un peu toutes les problématiques d'authentification et d'autorisation, quoi. En fait, l'authentication par l'API Gateway et après, bah, la partie authorization qui maintenant est faite par IAM, qui avant n'était justement pas fait pareil. Et en gros, chaque microservice, lui, reçoit la requête qui a été authentifiée. Et en fait, c'est le microservice qui va s'occuper de demander un service d'authentification, de dire, voilà, j'ai telle requête qui est rentrée, est-ce que ma requête a le droit de faire telle permission? Et donc, il fait cette requête de permission-là. Et c'est ce microservice-là qui va lui répondre oui ou non, est-ce que l'utilisateur a la permission? Et en gros, l'idée, c'est que tout les microservices n'avaient pas été totalement migrés sur ce système de permissions centralisées. Historiquement, en fait, on était sur un paradigme un peu inversé, c'est-à-dire que le microservice récupérait l'ensemble des permissions que l'utilisateur avait, et c'est lui qui allait regarder dans la liste des permissions pour dire bah, est-ce que dans la liste j'ai la permission qui m'intéresse. On a changé un peu le paradigme pour que ce soit plus simple et justement pour que ça soit plus évolutif. Se dire bah en fait le microservice il a juste besoin de se dire bah moi je vais vérifier serveur read, j'ai telle requête entrante, réponds-moi oui ou non. Et la logique est totalement abstraite et elle est centralisée. Du coup, la première étape, c'est de s'assurer que tous les microservices parlent la même langue, donc parlent avec le même service d'authentification. Ça n'avait pas été fait entièrement, donc les nouveaux produits, il n'y a pas eu de souci, mais il y avait certains microservices un peu legacy qui n'avaient jamais été migrés totalement. Du coup, il y a une grosse partie, ben, en fait, fin de chantier, fin de projet, un peu la queue de projet qui n'avait jamais été totalement terminée. Donc la première partie, ça a vraiment été de faire ça, quoi. Et donc, mine de rien, ça prend déjà 3-4 mois. À migrer parce que c'est des équipes différentes donc il faut contribuer et surtout c'est des scopes assez importants hein, parce que on parle des services legacy donc c'est ben on avait un peu nous en interne c'était tous les services de gestion de compte, gestion d'organisation, gestion instance, tous ces microservices là. Donc ça a pris déjà pas mal de choses. Et après la grosse partie ça a été de migrer le modèle de données. On parle actuellement, donc il y a un bouton pour activer IAM, mais en fait, de manière technique, on n'active pas IAM. C'est-à-dire que on a juste migré en interne notre microservice d'authentification pour lui donner le modèle de données IAM. Et une fois qu'on a migré ce système de données en interne, l'intégralité des gens utilisent IAM. En gros, on a transposé le modèle de données qui existait actuel, qui était très simple avec, on avait trois rôles, un utilisateur était dans ces rôles-là, et en fonction des rôles, on avait des permissions associées sur une organisation. On a transcrit ce modèle-là dans le modèle IAM, donc qui a été expliqué plus tôt avec tout un système de groupe, un système de policy, avec des permission sets un peu plus granulaires. En gros, on s'est assuré que le précédent, on l'a transposé dans ce modèle-là. Et une fois qu'en fait on a fait le switch, en fait on a migré tout le monde sur IAM en interne, quoi. Enfin tout ce qu'elle est, en gros, quand on a entre guillemets mis en production notre microservice qui utilisait le modèle de données IAM, en gros tout ce qu'elle est a migré sur le modèle de données IAM. Et ça s'est fait bien ou ça a été fait dans la douleur? Non, ce genre de switch, étonnamment ça s'est fait plutôt pas mal. En gros, on l'a fait petit à petit. Et ce qu'on a fait, c'est que on s'est assuré que on n'avait pas de changement de comportement. En gros. L'avantage, c'est qu'on avait le modèle de données avant-après. En fait, on a fait des échantillons statistiques pour s'assurer qu'en fait, pendant plusieurs semaines, on a pris les deux modèles de données, on a pris des cas d'usage aléatoires en disant telle personne, telle action sur tel serveur, est-ce que l'utilisateur l'a permis ou pas. Et on s'assurait que... En contrôlant Y, en envoyant les doubles... C'est ça. Et en fait, on s'assurait que les comportements étaient identiques des deux côtés, plus des checks manuels, parce que nous, voilà, on savait des cas un peu spécifiques où on avait déjà eu des problèmes, donc on s'est assuré ces cas-là. Mais en fait, on a laissé tourner pendant plusieurs semaines pour s'assurer qu'il y avait exactement la même réponse sur les deux modèles de données à gauche, à droite. Et après, en fait, on a déployé ça petit à petit sur plusieurs AZ. Et l'avantage, c'est qu'on s'assure de déployer, je dis pas genre 50% des requêtes sur tel AZ, et après en fait on s'assure de vérifier que le taux d'erreur, le taux de deny response sur l'AZ est identique sur vu que c'est distribué de manière aléatoire entre l'ensemble des microservices, on est capable de s'assurer que si le taux de réponse est identique entre les deux, il n'y a pas de changement de comportement. En tout cas, pas de significatif qui pourrait mettre en doute qu'il y a un problème dans le. Ce que ça veut dire, c'est qu'on, en fait, nos clients, on les a migrés vers IAM déjà depuis plusieurs mois. Et on parle aujourd'hui encore à des clients qui sont chez nous depuis longtemps et qui ont peur de migrer vers IAM parce que ça peut casser leur prod, parce qu'ils ont peur qu'il y ait des changements de droit. Et en fait, activer IAM sur sa console, c'est juste mettre à disposition en graphique des fonctions et avoir les API qui sont prêtes à être utilisées. Mais dans les faits, IAM est en production depuis plusieurs mois, sans incident notable, tout fonctionne très bien. Et on a pour l'instant eu aucune erreur remontée par un client autour des sujets de permission. Ouais, tout à fait. Ouais. D'ailleurs, l'utilisation, c'est assez marrant, parce que, c'est, faut pas prendre peur. Il y a un peu la fenêtre qui arrive sur nous en disant, active IAM et tout, on a l'impression que ça va un peu, tout chambouler. Ouais. Mais en réalité, en fait, c'est précisé, mais c'est juste que sur le message, sur le coup, on s'y attend pas. Ils disent, mais en fait, non, ça cassera pas vos comportements, vous êtes déjà, vos clés vont pas changer si vous avez des clés qui étaient déjà créées. Donc, ça, pour le coup, j'ai testé de migrer, j'avais deux comptes juste qui étaient existés pour Terraform et pour moi. Et j'ai pas eu, en tout cas de mon côté, de problème là-dessus, donc on pouvait le faire globalement les yeux fermés. Mais je me rappelle qu'il y a un petit bout, ça va faire plus d'un an maintenant, il y avait eu une rotation totale des clés justement oui. Pour permettre ça. Bah, c'était déjà du coup en prévision ouais. De... Ouais, en fait, ça fait partie de la technique en fait que je parlais précédemment. En fait, en gros, les API key à Scaleway, ça existe depuis très longtemps. Et historiquement, maintenant, en fait, quand on a introduit la notion de projet, les API key maintenant étaient scope à un projet. Ce qui n'était pas le cas précédemment. Précédemment, en fait, les API key étaient rattachés à des utilisateurs, parce que c'est ce qui était utilisé par la console pour faire les calls d'API. On n'avait pas de notion de JWT entre guillemets de session un peu utilisateur et de d'API key entre guillemets plus applicative. C'était un PAT, une personal access token. Ouais, c'est ça. On peut voir ça un peu comme ça. Du coup, il y avait que des API key, donc l'API key était rattachée à l'utilisateur. Et surtout, un concept un peu technique qu'on a introduit avec IAM, c'est que maintenant, en fait. Précédemment avec une API key, tu pouvais récupérer des droits dans l'ensemble des organisations dans lesquelles tu es invité. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, on segmente vraiment au niveau de l'organisation. C'est-à-dire que même si toi, en tant que compte utilisateur, t'es invité dans plusieurs organisations, ton API key, elle va être uniquement scope à une organisation. Tu peux plus dépasser ce scope d'organisation. Même pour un JWT utilisateur, n'aura plus les permissions sur plusieurs organisations. Donc, les anciennes API key qui étaient rattachées à des utilisateurs qui étaient dans plusieurs organisations, on a essayé de les migrer. Celles qu'on pouvait migrer automatiquement, on les a migrées. En disant, bah, en fait, si t'étais que dans une seule organisation, en fait, on a pu faire les migrations en s'assurant qu'on savait qu'il n'y avait pas d'effet négatif. Par contre, il y a plein d'API key. En fait, on était incapable de savoir exactement comment elle a été utilisée, entre guillemets, si vraiment il y avait des impacts pour l'utilisateur. Et donc, on était obligé de la faire expirer et que l'utilisateur la recrée. Et en fait, en la recréant, s'occupe de sélectionner un projet pour se dire, bah, en fait, mon API key, elle est sur ce projet-là, quoi. Donc, pour vraiment le subset d'API key qu'on n'a pas pu migrer parce que les contraintes, il y avait trop de contraintes et il y avait vraiment une décision, entre guillemets, business derrière associée, on n'avait pas le choix de les faire expirer. Et Du coup, c'est assez marrant parce que côté utilisateur, ça fait maintenant... Je vais prendre sur un temps large, c'est-à-dire 3 ans, ça fait à peu près 3 ans que j'utilise assez pas mal Scaleway. Et il y a eu pas mal de changements au niveau des droits. Il y a eu la première étape, globalement, c'était la notion de projet. Après, avec les API scopées. Après, il y a eu la notion, du coup, de, comme on disait, de rôle globaux, lecture seule. Il y avait billing et il y avait full. Ouais. Et aujourd'hui, on arrive à l'IAM, donc on voit vraiment une gradation. Et en fait, c'est assez marrant parce que les changements de l'extérieur, si je prends d'un point de vue purement fonctionnel, comme je vous ai décrit l'IAM tout à l'heure quand je l'ai testé, bah, au final, c'est entre guillemets, d'un point de vue utilisateur, pas énormément de fonctionnalités, mais on se rend compte quand même avec le temps, ben moi c'est l'impression que j'ai eu, et là, bah du coup ce podcast c'est intéressant parce que ça confirme ce que je pensais, c'est qu'en fait ça a entraîné plein de gros changements structurels derrière, Et même si aujourd'hui, bah, la IAM, il y a un côté, c'est cool, ça marche très bien, c'est clairement top. Mais moi, je suis resté un peu sur ma faim sur certaines choses, notamment, je vais prendre 2-3 exemples pour un peu étayer, le fait de pas pouvoir associer en fait des droits directement à des ressources, c'est-à-dire par exemple une instance, tu dis t'as le droit de tout ce qui est sur l'instance, t'as le droit de contacter du S3, des choses comme ça sur AWS et des instances profile. Ouais. On peut le faire aussi sur des pods de mémoire nativement. Ces choses-là, ben, ça a un peu manqué. Ben, Guilhem l'avait dit, il y a les logs d'audit. Et il y a aussi, il y a 2-3 autres petites choses, notamment, je l'ai plus en tête. Notamment, oui, le fait de pouvoir s'authentifier sur des services managés avec de l'IAM. Par exemple, sur Kube, je peux m'authentifier dans mon kubectl avec IAM. Des choses comme ça, c'est vrai que c'est des choses que ben, j'attends aussi. Mais là, en fait, de ce que je comprends, moi, de ce que j'ai compris, de ce que je vois, c'est, pour l'instant, c'est une très très bonne V1, c'est une très bonne progression, mais c'est vrai que on en attend plus, et je me dis, j'ai l'impression qu'on est, on a passé une étape où il y a un gros chantier de fond qui a été abattu, et que maintenant, en fait, du coup, on va avoir plus de, on va dire, d'espoir d'arriver à des intégrations, on va dire, rapidement, sans devoir un peu, entre guillemets, se dire, ah, il y a peut-être plein de choses à refactorer derrière, etc. Donc, moi, c'est un peu l'impression que j'ai eu. C'est, on a posé une grosse brique. Maintenant, on va construire au-dessus, du coup, notre maison. C'est un peu ça. Quand tu dis qu'il y a eu beaucoup d'itérations sur cette partie structure d'une organisation et contrôle des accès, ça correspond à l'histoire de Scaleway. Donc, on l'a dit hyper rapidement, mais Scaleway, avant, c'était online et c'était pour un développeur, pour des besoins très précis. Ça n'a jamais été pensé au tout début comme un produit pour des grandes entreprises avec beaucoup de personnes et beaucoup de droits différents. Et plus on attend, plus on ne s'occupe pas de ce sujet d'access management, et plus il est difficile à implémenter, on doit rattraper toute la dette qu'on avait. Le travail des 18 derniers mois, c'est avant tout ça, c'est rattraper tout le retard, poser la base des fonctionnalités qui vont répondre à 80% des besoins de nos utilisateurs, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Et ensuite, on se met à l'écoute du marché, on voit comment le produit est reçu, et on priorise. On a appris, en fait, sur les derniers mois, que les logs, c'était hyper important pour la plupart des utilisateurs. Et du coup, on s'y attelle beaucoup en 2023. En effet, l'intégration dans Kube, l'accès, la considération d'une ressource comme un principal, comme une identité à laquelle tu peux donner des droits, c'est des sujets qu'on imaginait, mais on les a pas pris en compte parce que il y a toujours l'arbitrage à faire entre est-ce que je sors mon produit tôt avec des fonctionnalités qui vont avoir un arrière-goût de trop peu, ou est-ce que je le sors tard, mais je rate le coche et finalement, bah, je perds mes clients parce qu'il n'y a pas eu d'access management à ce moment-là. Non. Ouais. Ouais, mais justement, comment ça s'est passé en interne pour l'intégration de tout ce genre de choses? Enfin, comment ça s'est fait le projet? Si jamais on parle plus vraiment d'organisation au sein de Scaleway, votre projet, comment il a été reçu? Est-ce qu'il a été créé ex nihilo? Est-ce que, comment ça s'est passé justement cette intégration au fur et à mesure de ce nouveau projet? Parce que tu l'as dit, il y a une dette. Enfin, l'IAM, il faut voir que pour des boîtes comme AWS, c'était quasiment le premier produit, quoi. Enfin, ils ont S3 et après ils ont l'IAM. Donc, comment ça s'est passé, vous, l'intégration? Ben, l'intégration, en fait, l'avantage, c'est que la plupart des concepts qu'on a décidé de, qu'on avait besoin de migrer étaient déjà dans notre scope. Donc finalement, en fait, ça simplifiait des choses en termes de gestion de projet et de communication. Déjà, en fait, au niveau technique, on a eu un choix assez tôt. C'est-à-dire, en gros, des briques qui gèrent des comptes utilisateurs, des organisations, il y en existe déjà. On aurait pu déjà décider de construire par-dessus. Et donc, on aurait pu sortir, je pense, à IAM en 2 fois moins de temps, à mon avis. On a fait le choix, en fait, de partir sur une brique totalement séparée, notamment, justement, en fait, pour se forcer à tuer la dette technique, en disant, bah, je repars d'une feuille blanche. On aurait pu construire sur le modèle de données existant. On a décidé de repartir d'une feuille blanche et de se dire, bah, qu'est-ce qu'on veut pour notre IAM? Donc là, en fait, on a eu beaucoup de réflexions sur, on a regardé ce que fait la concurrence, hein, on va pas se le cacher. On dit, bah, qu'est-ce qu'ils font bien? Qu'est-ce qui est pas terrible? On allait voir un peu tout le monde, on se dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on peut piocher là? Qu'est-ce qui est intéressant? Et quels ont été, justement, les modèles que vous avez regardés le plus? Enfin, ceux qui vous ont inspiré? Tous en AWS, GCP, les grands Azure, on a regardé un peu. Surtout qu'en plus, nous, on a une notion de projet qu'on va pas retrouver chez AWS. Du coup, ça aussi, on peut pas tout prendre et transcrire tel quel. Donc, on est obligé un peu de regarder un peu. Projet qui existe sur GCP, pour le coup. Ouais. Mais qui est pas la même notion de granularité. Enfin, nous, c'est pas encore exactement, on peut pas transcrire tel quel. Enfin, c'est le même nom, mais on n'a pas les mêmes contraintes associées. Du coup, c'est aussi compliqué. Mais du coup, on est parti vraiment d'une feuille blanche sur le modèle de données. ce qui nous a impliqué en fait énormément justement dans la partie des techniques migration, c'est en fait on a dû migrer le modèle de données qui était précédemment géré par le microservice actuel, on a dû le migrer sur le nouveau, et donc là c'était énormément parce que le but c'est qu'on peut pas se dire je coupe pendant 2 heures, je migre les données et c'est terminé. Du coup on a dû migrer sans coupure de service, avec la synchronisation de données à droite à gauche, avec des calls d'API, des calls d'API gRPC, pour s'assurer en fait que le modèle de données reste synchronisé dans le temps, parce que finalement en fait on peut pas, parce que d'un côté on a entre guillemets le modèle un peu historique, et de l'autre on a entre guillemets le même modèle de données mais sous le format IAM, donc qui est beaucoup plus compliqué. Typiquement une API key avant était associée à un projet, du coup on est obligé de traduire ce concept là dans IAM, donc on se dit on va avoir notre API key va être attachée à une application. Cette application-là, on va lui donner les droits exactement les mêmes droits que précédemment. Donc, entre guillemets, de tout faire, mais uniquement scoper sur un projet. En fait, on est obligé de transcrire une ligne, entre guillemets, dans une base de données en 10 dans l'autre parce que le modèle de données est plus complexe. Et donc, en fait, l'idée, c'était d'assurer qu'à droite, à gauche, ça reste synchro au fil du temps pour, en fait, quand on est sûr à certains, entre guillemets, appuyer sur le petit bouton pour se dire, maintenant, au lieu de lire dans le modèle de données à gauche, je vais le lire dans le modèle de données à droite. Et je suis sûr que c'est le même modèle de données et donc j'ai aucun changement de comportement, c'est juste que mon modèle est beaucoup plus complexe à droite quoi. Et vous avez fait des changements technologiques entre les deux, parce que là tu parles de modèle de données, on est quand même très très haut niveau, t'as parlé un tout petit peu du gRPC si jamais on rentre. Est-ce que vous avez fait des changements technologiques de codage, de base de données de... Alors la base de données c'est alors c'est pas la même base de données mais c'est la même techno, on est sur du Postgre. En fait sur le sujet de base de données en fait on s'est posé la question mais est-ce qu'on utilise une base de données graphe, des choses comme ça. Quand on parle de la gamme, oui, quand on a un modèle de droit la plupart des temps on va penser graphe. Après il faut faire aussi un peu parce que nous, on est dans l'équipe, on est 8 dans l'équipe. Sur la partie IAM, on était à peu près 3 développeurs temps plein qu'on tournait. Donc c'est 3 développeurs sur 18 mois, c'est ça à peu près Ouais, à peu près. Ouais, on a 3 et demi, ça va dépendre. En gros, il y a des personnes qui sont rentrées, d'autres qui sortent. Sur la partie back, après, comme Scaleway est un écosystème, à chaque fois, on est organisé en équipe. On va avoir une équipe qui va être sur le front, une équipe qui va être sur la documentation, une équipe qui va faire le provider Terraform, comme on le disait juste avant. Donc, 3 développeurs concentrés sur ça, mais autour de ça, plein de gens qui travaillent à 10-20% sur le sujet. Et voilà, mais ils sont pas dédiés, c'est-à-dire que les gens qui travaillent sur le provider Terraform, ils sont dédiés sur le provider Terraform, mais pas sur votre projet. C'est ça, et ils intègrent tous les produits de l'écosystème. On fait les coups de main sur certains sujets, effectivement, quand je parle 3, c'est vraiment dans l'équipe back, vraiment. Du coup, on est sur du Postgre, donc les bases graphes. On a réfléchi. Après, en fait, faut prendre la big picture, si on dit. Si on décide de partir sur une techno, déjà, il faut s'assurer que l'équipe la maîtrise. Postgre, c'est connu, on maîtrise en interne. On est quand même sur des problématiques assez sensibles, parce que derrière, il y a toute la résolution de permissions. 10 millisecondes en plus, ça veut dire que à chaque call, il y a 10 millisecondes de plus sur la résolution des permissions. Donc, c'est quand même sujet assez sensible. Et après, en fait, qui dit nouvelle techno dit il faut s'assurer du cycle de vie de l'applicatif, il faut gérer les mises à jour, il faut gérer le backup, il faut s'assurer que le backup marche. Il y a tout un écosystème autour de contraintes qui sont associées. Nous, en interne, on a la possibilité d'avoir du Postgre facilement. En fait, on a une équipe plateforme et qui nous permet d'avoir des services managés. Postgre en fait partie. Ça nous permet en fait de pas nous préoccuper. Donc, en fait, ça rentre forcément en compte dans le choix de la techno, en se disant est-ce qu'on est prêt à rajouter du run sur une nouvelle techno qu'on ne maîtrise peut-être pas forcément, en tout cas pas forcément dans les détails, dans la précision par rapport à ce qu'on a besoin. Et en fait, Postgre, globalement, en fait, ça répondait quand même aux besoins. En faisant les choses bien, un schéma dans une base de données relationnelle, en passant juste un petit peu de temps, juste en faisant les choses correctement, on a quand même réussi, même par rapport au modèle de données précédent, on résout les permissions plus rapidement maintenant, alors que le modèle de données est plus compliqué. On a quand même dit, j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois qu'on a descendu le 89 percentile de 20 ou 30% quand même. Donc c'est quand même pas négligeable. Juste en fait en passant de temps en faisant les choses bien. Donc en fait, je pense que ça peut-être à un moment donné la question se posera si on a des problèmes de volumétrie, si vraiment en fait on a des problèmes de performance. À l'heure actuelle, c'est pas le cas. Du coup, on est sur un Postgre classique qui répond extrêmement bien à nos problématiques. La grosse différence qu'on a eue, c'est côté langage de programmation. La partie historique, c'est du Python, on est sur du Go maintenant. Pour diverses raisons, notamment, je pense que c'est vraiment par rapport à l'équipe, par rapport aux envies de l'équipe, plus que par pour des questions de performance, même si globalement on remarque que c'est quand même plus rapide et qu'on a moins de problèmes sur comment on s'est intégré à l'écosystème. Mais à part ça, on est. Il faut savoir que tous nos microservices en interne, c'est du gRPC. Ce qui fait que tout passe par l'API Gateway. Et en gros, on a une translation de requête REST en requête gRPC qui est fait automatiquement par l'API Gateway. Ce qui fait que on consomme nos API avec des requêtes REST. Et nous, derrière, c'est du requête gRPC qu'on reçoit en interne. À part ça, on est sur quelque chose de vraiment super simple. Enfin voilà, c'est vraiment. On n'a pas d'autres. Et l'API Gateway, là, je digresse. C'est ouais. Vous qui l'avez codé ou c'est un produit Non. Il y a une très belle vidéo YouTube faite par Jérôme qui est dans l'équipe actuelle qui explique un peu comment ça marche. Globalement, en fait, on peut pas se permettre de recoder une API Gateway. Enfin, c'est illusoire et tout ça pour faire un travail moins bien qu'est-ce qui existe déjà. Il y a eu plusieurs choix qui ont été envisagés et en fait, nous, on utilise Envoy, qui est vraiment vraiment cool. Donc Envoy qui est un projet même qui utilise par Istio etc. Enfin c'est à la base qui avait été fait par Lyft. Lyft c'est ouais. Ça exactement. Donc VTC de base et qui l'a rendu donc ouais. Projet de CNCF. De load balancer en C++. Ouais, qui marche très bien et en fait qui est d'ailleurs qu'avec une API enfin en gros globalement dites-vous que c'est un espèce de blob qui fait du load balancing mais avec comme configuration que une API. Ouais, c'est ça. Et puis il y a plein de briques qu'on peut venir greffer. Typiquement on vient greffer notre propre brique de rate limiting. Pareil, l'authentification est faite directement au niveau d'Envoy. Donc, rate limiting qui fait, c'est Envoy va faire des calls gRPC à un blob de rate limiting qui va répondre oui ou non. Exactement. Voilà, tout est API. Enfin, globalement, vous pouvez pas vraiment configurer Envoy directement. Tout est gRPC, c'est magnifique, c'est génial. Du coup, nous, ça s'intègre super bien dans notre écosystème. Enfin, tout en interne, c'est du protobuf. Nous, tous nos microservices, on a du protobuf. C'est du gRPC partout. Du coup, ça s'intègre super bien. Et pareil pour la brique d'authentification. On a notre microservice qui, lui, implémente le proto d'Envoy. On répond la réponse qui va bien. Et en fait, c'est juste que notre microservice va taper dans le modèle de données IAM pour répondre à la requête. Quoi. Du coup, voilà. Oh, cool. Bah, c'est... Et à peu près, là, le temps de développement de ce backend-là, c'était... Bah, finalement, en fait, une fois que toute la dette technique a été migrée et que finalement, l'implémentation du backend, en fait, c'est hyper rapide. Finalement, ce qui est visible à l'utilisateur sur la console, c'est quoi? C'est un CRUD de user, d'application, de rules avec des policies. Enfin, c'est super simple. Je pense sur les 18 mois, j'ai plus les chiffres en tête, mais il y en a bien 12. C'est de la dette technique. C'est s'assurer que le modèle de données qu'on avait précédemment est transcrit dans le nouveau modèle de données. Une fois qu'on avait le modèle de données et que le check de permission utilise ce nouveau modèle de données, en fait, le plus gros effet, quoi. Le reste, c'est juste fournir les API pour consommer les données dans ce nouveau modèle de données. Et vous avez pas regardé des projets, parce que enfin, ça c'est marrant, enfin, c'est un sujet que j'ai poncé ces derniers mois là-dessus, des modèles comme Casbin ou des choses comme ça, des modèles en fait open source qui existaient, qui font justement du... C'est en gros, c'est exactement ce que vous présentez, mais de manière open source pour le coup. Ouais. Enfin, vous auriez pu partir en fait d'une base, même si après elle est abstraite par votre. Mais c'est-à-dire dans le sens, parce que il faut voir que la IAM est donc ultra important parce que tu l'as dit un peu, c'est que si jamais on se plante dans les règles, qu'on donne des droits à quelqu'un qui devrait pas en avoir, etc. Enfin, c'est un point central de la sécurité. Tout à fait. Tout à fait. On a envisagé un peu, enfin on a regardé un peu ce qui existait au niveau open source. Après, c'est pas trop la politique en interne, et notamment surtout pour nous, parce que en fait, si tu commences à utiliser une brique open source, surtout si c'est ce truc-là, tu vas vite te retrouver bloqué dans les contraintes imposées par ta solution. Nous, un des gros avantages qu'on a, c'est que quasiment tout est fait sur mesure. En tout cas, toutes les API, c'est vraiment de l'interne. Toute la partie gestion des permissions, c'est de l'interne. En fait, ça nous permet d'avoir vraiment un couplage fort, c'est-à-dire que on utilise notre modèle de données comme on en vit. Le modèle de données qu'on a envisagé pour IAM, qu'on a réfléchi plusieurs fois, ben, en fait, on l'implémente comme on en vit. Ça nous permet d'avoir les API exactement designées comme on les veut. On n'a pas de surcouche de middleware à envisager pour se dire, ben, en fait, pour transcrire une requête API qui arrive sur sur le modèle de données qui est utilisé par tel applicatif open source qu'on décide d'utiliser. Du coup, en fait, on n'a pas de, enfin, on va vraiment au cœur du problème et, ça, c'est plus long. Mais au moins, en fait, t'as la maîtrise de A à Z de ton scope. Et sur un projet aussi sensible qu'IAM et par rapport aux évolutions qu'on envisage, bah, la fait, ta brique open source, elle va quand même te brider sur ce que tu es capable de faire et ce que t'envisages de faire dans la suite. on peut en débattre dans un autre moment là-dessus. C'est vrai que les gens qui me connaissent savent que un peu mon opinion sur ce genre de choses. Je pense que ça, c'est aussi une orientation de Scaleway en général. Il y a eu dès le départ, quand il y a eu rien que la brique basique des VM, il y a eu tout de suite le choix de recoder en fait une brique et pas de réutiliser un truc existant comme OpenStack ou autre, ce qui aurait pu être le cas. Donc c'est, oui, mais c'est vrai, c'est plus global peu, en fait. C'est un peu une culture d'entreprise pour le coup à ce niveau-là. C'est. Mais tu vois, typiquement, ça nous permet maintenant, on a l'Elastic Metal, donc qui est du bare metal, mais ça nous permet d'avoir des private networks qui vont communiquer avec des instances, qui vont permettre de communiquer avec un load balancer. Enfin, ça nous enlève tout plein de bloqueurs qu'on aurait pu avoir, et ça nous permet de faire une intégration entre nos produits comme on l'envisage. En fait, on n'a pas, tu peux pas avoir de contraintes techniques en disant, ça supporte pas tel truc, machin. C'est plus long, mais au moins, on est exactement libre de faire exactement ce qu'on a envie de faire et exactement comme on a envie de le faire. Moi, j'ai une petite question, parce que du coup, j'ai un peu replongé sur l'API, etc. Vu que de base, j'ai tout dans un CI, donc je fais pas tellement gaffe au temps d'exécution. Et là, c'est vrai que j'ai vu depuis la sortie d'IAM, mais même un peu avant, comme tu t'en as parlé tout à l'heure, une grosse augmentation des perfs. Donc, je voulais savoir si c'était lié juste à ce rework, en fait, et ce travail sur l'IAM en général et l'API Gateway, ou s'il y a eu d'autres travaux qui ont été faits. Parce que c'est vrai qu'à l'utilisation, ça se ressent pas mal quand même. Tu l'as remarqué où ? Ah, moi, c'est sur Terraform notamment et la CLI un peu plus rapide aussi. Plus Terraform pour le coup. Après, moi, il y a des choses qui sont faites, notamment sur la partie API Gateway. Après, sur IAM, en fait, un des avantages aussi, c'est de repartir d'une feuille blanche, c'est de se dire, de prendre en compte les performances dès le début. Et de se dire, on s'est fixé dès le début des SLI, des SLO. On s'est dit, on veut pas, le 89 percentile dépasse les 250 millisecondes sur les temps de réponse. Et du coup, on s'en bloque, on les mesure et on s'assure dès le début et au cycle de développement de s'y astreindre. Chose qui n'était pas fait précédemment. Et en gros, enfin, en tout cas, c'est des problématiques qu'on a en tête dès la conception maintenant, chose qui était peut-être pas forcément et la dette technique fait, et puis l'historique des services fait que je pense que c'était moins prioritaire et moins suivi, entre guillemets. Alors moi, j'ai un sujet sur justement vos politiques de règles. Est-ce que vous êtes reparti un peu from scratch ou est-ce que vous avez fait utiliser des langages type CEL, donc CEL pour ça, ou du Rego ou des choses comme ça? Et est-ce que demain, vous envisagez qu'on puisse... l'utilisateur puisse rajouter des modèles de règles un peu plus compliqués via justement du CEL ou du Rego? C'est ce qu'on envisage, on partait néanmoins d'un legacy côté produit qui était ce qu'il est, avec des produits qui sont construits sur 4-5 ans avant que IAM arrive et qui n'avaient pas forcément tous les mêmes façons d'implémenter les permissions, les mêmes façons de les écrire, de les déclarer, ce qui fait que aujourd'hui Scaleway, même si l'IAM montre quelque chose de très uniforme, on reste avec des produits qui ont des fonctionnements un petit peu différents. On a dû faire un peu du from scratch avec des permissions qu'on expose qui masquent un peu cette complexité à l'utilisateur. Et avant d'être prêt à avoir un langage pour que l'utilisateur puisse construire ses propres règles, on a encore un travail d'uniformisation au sein de tous les produits. Et c'est pour ça que on a sorti une première version d'IAM et on va la faire évoluer. Parce que derrière, chaque produit, on va faire le tour avec eux, leur dire « Ok, voici les nouveaux standards qu'on aimerait pousser parce que c'est comme ça que nos clients ont l'habitude d'utiliser. Voici les changements que vous devez faire dans votre système, dans votre façon de déclarer les permissions. » Une fois que ça c'est fait, sur tous les produits, et aujourd'hui, Scaleway, c'est une vingtaine de produits, alors on pourra mettre en place celle ou une autre façon d'écrire des règles personnalisables. Je suis d'accord. Enfin, en tout cas, c'est l'approche qu'on envisage. Rien n'est figé dans le marbre à l'heure actuelle, mais... En fait, ça offre une flexibilité qui est quand même assez cool pour l'utilisateur, de spécifier exactement sa règle avec les paramètres qu'on lui fournit, et puis c'est hyper évolutif, on a juste à fournir d'autres paramètres et après l'utilisateur il a juste à changer sa règle pour prendre en compte ces nouveaux paramètres qu'on supporte. Donc c'est par exemple dans GCP, on parlait tout à l'heure de mettre des règles sur une instance ou des choses comme ça. Clairement GCP maintenant a dit tout ça va dans CEL, quoi. Tu dans CEL tu mets ta règle, tu dis alors l'instance, donc je donne le droit par exemple sur tous mes buckets, mais je dis une règle où si le bucket il s'appelle Toto, là j'ai le droit et j'envoie un trou là-dedans. Et donc c'est plutôt ça la manière dont ça a été implémenté à ce niveau-là. Bon, alors après, l'IAM sur GCP, c'est un bordel monstrueux. Il y a certaines ressources où t'as le droit d'en mettre, d'autres pas. Et donc, il y a une espèce d'héritage un peu partout qui est un peu bordélique. C'est ça, la vraie complexité produit, hein, pour nous. C'est garder de la simplicité parce que quand on regarde les fuites de données récentes sur ces dernières années, il y a un bon pourcentage où c'est du bucket mal configuré, des droits d'accès mal configurés. Aujourd'hui, chez Scaleway, on va avoir une granularité d'action peut-être pas encore assez fine selon certains, mais elle est compréhensible. Vous passez moins de 10 minutes sur la console, vous avez compris exactement qu'est-ce que vous avez comme droit. La mission qu'on va avoir sur les prochaines années, c'est augmenter notre couverture fonctionnelle, mais garder cette simplicité. Et ça, c'est le vrai cauchemar d'un product manager. Bah, c'est vrai que pour moi, j'ai pas l'impression qu'il y a de solution miracle. Ouais. C'est un curseur qui se déplace et plus tu fais une chose qui peut être personnalisée et puissante, plus ça va être petit à petit usine à gaz. Et on le voit bien que AWS, c'est hyper usine à gaz, mais on peut aller très très très loin avec. Et je pense que là-dessus, il y a vraiment un curseur à placer. Soit on voit le truc, on essaie de faire entre guillemets deux niveaux pour les gens qui veulent aller plus loin, soit on essaie de placer le curseur plus sur l'UX et on se dit que ça va suffire à, je sais pas, 80% des personnes, et puis les autres personnes trouveront soit un autre moyen de faire, soit choisiront pas. Moi, ça va être un point bloquant pour elles, quoi. Ce qui est sûr, c'est que la complexité à minima doit être abstrait par d'autres moyens, soit c'est par l'interface, en tout cas il faut que tout le monde trouve son compte. Ça, c'est vraiment quelque chose vraiment, c'est une des règles qu'on essaie de se fixer. C'est, même si c'est compliqué derrière, il faut que Madame Michu, qui a créé son compte, qui veut juste sécuriser son projet simplement, c'est pas qu'elle doit passer 3 heures à lire 10 pages de doc pour comprendre exactement où c'est, elle doit mettre ses règles. Est-ce que c'est au niveau des utilisateurs? Est-ce que c'est au niveau de la ressource? Oui, mais du coup, qui gagne s'il y en a qui répond non? Enfin, voilà, tous ces trucs-là, à minima, il faut qu'elle puisse faire simplement ce qu'elle a envie de faire. Donc, c'est la grosse difficulté, ouais, sur... Oui. Comme je disais, ce produit, on l'a sorti en bêta en juillet 2022. Donc là, on enregistre en janvier 2023, ça fait 6 mois. Sur ces 6 mois, on a collecté pas mal de feedback. Chez Scaleway, on essaie vraiment d'en collecter le plus possible dans ces phases de bêta. Et on a eu des feedbacks qui vont du « je ne comprends pas du tout ces concepts, c'est beaucoup trop compliqué pour moi » à « ça, c'est vraiment la base de la base et je m'attendais à beaucoup plus ». Et en termes d'attente de la façon dont se sont structurés les concepts, on a des gens qui vont être nourris par AWS, qui ne connaissent que AWS, donc dès qu'on s'en éloigne un peu, ils sont pas contents. Et on va avoir d'autres personnes qui sont chez nous parce qu'on est européens, qui veulent qu'on soit très souverain, très indépendant dans nos choix, et qui vont nous reprocher de s'être inspiré d'AWS. L'équilibre est super dur à trouver. On espère l'avoir trouvé, et du coup, on continue à être à l'écoute de feedback. J'espère que à la suite de ce podcast, on va avoir aussi des gens qui vont venir vers nous, qui vont nous en donner d'autres. Si jamais on veut vous faire un feedback, c'est comment? C'est en direct, en vous pingant sur Twitter? C'est... Alors, Twitter, ni Julien ni moi sommes très présents. Julien peut-être un peu plus, mais on a chez Scaleway, un outil qu'on utilise beaucoup pour recevoir des feedbacks, c'est Slack. On a un Slack community avec plus de 10 000 personnes présentes dessus. C'est slack.scaleway.com. Ouais. Et dessus, on a pas mal de chaînes différents. Donc, on a un chaîne IAM, par exemple. On collecte des feedbacks sur IAM. On les a dans plusieurs langues. On les a sur tous les sujets, tous les produits. Je pense que si vous voulez parler à des product managers, des ingénieurs de l'équipe Scaleway, c'est le canal de préférence. Ouais, il n'y a pas que des product managers, effectivement. Ouais, mais typiquement, on suit ce qui se dit dessus et on répond directement. Enfin, on essaie d'avoir une proximité quand même entre nous et nos clients qui nous permet de, sans avoir espèce d'un espèce de mur entre nous et nos clients, quoi. C'est un des trucs qui est sympa avec le Slack community. Ouais. C'est vrai qu'on en entend parler, du coup. C'est vrai que la diversité des profils aujourd'hui, c'est un vrai problème quand on fait une solution comme ça. Parce que moi, je vois, on a plusieurs clients et des niveaux de maturité qui sont très différents. Et pour certains clients, ils sont habitués à faire des choses assez poussées, ils connaissent très bien IAM, etc. Et pour eux, très vite, un peu comme moi, on a très vite mis les mains dedans. Et moi, globalement, en une heure, avec la doc et le provider, je comprenais comment ça fonctionnait, je comprenais ce que je pouvais faire. Et il y a des personnes qui sont des fois pas du tout habituées au cloud. Et pour elles, rien que la notion de qu'est-ce que c'est qu'un IAM, en fait, elles sont un peu dépassées. Donc c'est pas un exercice simple, et je pense que... faut en être conscient, quoi. Au niveau technique, comme on disait, il y a un gros refactoring. Au niveau produit, t'as toute cette problématique de trouver le bon équilibre et d'accompagner les gens. Donc c'est vrai que c'est un gros projet quand même, c'est pas rien, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, du moins si on prend les clouds hors GAFAM, il y en a très peu qui ont un IAM qui soit propre, fonctionnel et puissant. En réalité, j'en vois pas beaucoup, quoi. Donc on peut dire que ça va dans la bonne direction à l'heure actuelle et qu'il faut essayer, enfin faut l'essayer, quoi. Enfin clairement, si jamais vous êtes vous voulez faire du cloud européen à plus forte raison français et que vous aviez eu un peu ce blocage au niveau de la IAM, là vous avez déjà quelque chose qui vous donne on va dire un premier pas entre guillemets. Je pense, comme on disait, que petit à petit les briques manquantes entre guillemets vont venir, la base est là. Après justement vous parlez du Slack, mais si jamais je prends mon exemple, si jamais j'aimerais bien l'intégration d'IAM sur Kubernetes ou des choses comme ça, faut passer plutôt par feature.scaleway.com qui sert à, on va dire, mettre en avant ce que la communauté a besoin comme feature, ou directement sur le Slack. C'est un bon rappel. On n'avait pas cité cet outil. Ouais, en effet, on a cette URL qui permet de proposer ses propres features ou d'upvoter des features proposées par d'autres. Si vous avez besoin d'une feature, le mieux, c'est de faire un peu les deux. C'est-à-dire voter sur feature.featurerequest.scaleway.com. C'est peut-être pas l'URL exacte, mais vous trouverez. Et d'en parler sur Slack. On mène aussi des entretiens utilisateurs. En tant que product manager, un job principal, si on suit la théorie du product, c'est de parler à ses utilisateurs constamment. Donc on en fait pas mal, les entretiens, on discute sur Slack. Donc si vous avez des choses à nous raconter sur votre utilisation de Scaleway, ce qui va pas, vraiment manifestez-vous, on est toujours à l'écoute. Et ça, pour ça, c'est Slack. Après, vous pouvez de façon ou une autre récupérer nos mails et nous contacter, je pense. Super. Merci beaucoup. Merci vraiment pour l'invitation. C'était vraiment un plaisir de pouvoir justement avoir un peu plus d'informations un peu de l'intérieur sur les cloud providers. J'espère que vous aurez appris des choses. J'espère même qu'on pourra refaire des épisodes comme ça sur d'autres sujets. Voilà, dès que vous avez les futures features qui sortent, voilà, vous pourrez nous présenter un peu la killer features dessus. Merci à tous d'avoir écouté jusque là, et on pourrait se voir alors là sur Twitter à mon avis, et sur le Discord également. Tous les liens bien sûr dans la description, comme on dit. Et merci à tous, et merci à vous pour l'invitation en tout cas. Merci à vous, c'est super cool. Bye bye.